butiner, s'évader, à ne plus rien penser, vivre la vie comme elle va, afin de pouvoir enfin convoiter tant d'endroits et de lieux qu'on ne connaît pas. Les nuits d'hiver ainsi que les jours d'été, au printemps et quand toutes les feuilles tombera. Sortir pour aller se balader et pour visiter toute la France. Profiter du soleil terre frais, partir tous les deux en vacances. Sortir pour aller se balader et pour visiter toute la France. Profiter du soleil terre frais, partir tous les deux en vacances. Visiter toute la France, profiter du soleil d'air frais, partir tous.